Les mass-médias de divers pays et régions ont présenté les activités révolutionnaires du dirigeant suprême Kim Jong-un. L'agence de presse TASS et la ligne TV de Russie, l'agence de presse japonaise Kyodo, les radios nationales, internationales et en cette langue nationale de Guinée et les sites internet du Comité national nigérien d'études du kim-sunisme kim-jongisme, du Comité national d'études des études du Congo démocratique et du Comité africain siégeant au Nigeria pour l'amitié et la solidarité avec le peuple coréen ont reproduit son inspection des exercices tactiques divers de traversée et d'attaque par un régiment renforcé de tanks et d'infanterie blindée. Le site internet du Cercle d'études des études de Basque de l'Espagne en a informé aussi avec les nouvelles de ses inspections de l'unité 1314 de l'Armée populaire de Corée, lauréate du titre de 7e régiment Ojongru et des chantiers de construction de l'avenue du Myon, tandis que le site internet du Forum allemand anti-impérialiste Nouvelle des inspections a fait part de son inspection de la même troupe et de sa visite au cercueil de feu Kangiso pour offrir ses condoléances. Les médias ont exposé des photos de Kim Jong-un.